Chapitre 6e. J'espère que Miss Vanstone sait son rôle, murmura Miss Marable à l'oreille de Miss Garth avec une inquiétude évidente dans un des recoins du théâtre. Si la grâce et la vivacité suffisent pour faire une actrice, le jeu de Magdalene sera probablement de nature à nous étonner tous. Après cette réponse, Miss Garth exhiba son ouvrage et alla s'asseoir au centre du parterre, disposée à faire bonne garde. Le régisseur s'était perché, livre en main, sur un tabouret en face de la scène. C'était un petit homme alerte, d'humeur douce et joviale. Il donna le signal de commencer, accordant aux préparatifs qu'il dirigeait un intérêt aussi résigné que s'il ne lui avait pas déjà donné dans le passé bien des ennuis, et ne lui promettait dans l'avenir aucune difficulté nouvelle. Les deux personnages qui ouvrent la comédie des Ribauds, Fag et le cocher, parurent sur la scène, faisant montre d'une taille beaucoup trop haute pour la toile du fond, qui représentait une rue de Bath. Ils déployèrent ensuite l'inhabileté traditionnelle des acteurs novices à manœuvrer leurs bras, leurs jambes et leurs voix, manquèrent à plusieurs reprises leurs entrées et leurs sorties, et finirent cependant par témoigner à quel point ces résultats leur paraissaient heureux, en riant à tue-tête dans les coulisses. « Silence, messieurs, je vous prie !» leur cria par voix de réprimande le jovial régisseur. « Sur la scène, riez aussi haut qu'il vous plaira, mais une fois sorti, l'auditoire ne doit plus vous entendre. Miss Marable est-elle prête? Miss Vanstone est-elle prête? Tendez-moi un peu cette rue de Bath. Elle fait des plis vers le haut. Tournez-vous par ici, Miss Marable. En face de moi, s'il vous plaît, Miss Vanstone. » Il s'arrêta là tout à coup. « C'est curieux, » marmonnait-il entre ses dents. « Elle fait d'elle-même face au théâtre. » Lucie ouvrit la scène par ces paroles. « En vérité, madame, je l'ai cherchée par toute la ville. Je ne crois pas avoir omis dans tout Bath un seul cabinet de lecture. » Le metteur en scène tressaillit ici sur son siège. « Vive Dieu !» s'écria-t-il. « Elle part avant le commandement. » Le dialogue continuant, Lucie tira de dessous son manteau les romans destinés aux lectures secrètes de Miss Lydia Languish. Le régisseur se leva tout étonné. Merveille des merveilles! Les livres se succédaient sans aucune hâte, aucun ne tombait à terre. La soubrette lisait soigneusement les titres avant de les annoncer à sa maîtresse. Elle juxtaposait Humphrey Clinker aux larmes de la sensibilité, avec une jolie moue qui soulignait l'antithèse. Le moment d'après, elle annonçait la visite de Julia, non sans la vive et leste révérence d'une femme de chambre émérite. Puis elle quitta la scène avec une aisance parfaite et sa sortie fut absolument conforme aux indications scéniques. Le régisseur se retournant sur sa chaise et jetant un regard surpris à Miss Garth. « Pardon, madame, » lui dit-il. « Miss Marable m'avait assuré que c'était aujourd'hui le premier début de votre jeune demoiselle. À coup sûr, cela ne saurait être. »« Cela est, » répondit Miss Garth, dont la physionomie exprimait une surprise égale à celle de son interlocuteur. Était-il bien possible que l'habileté inexplicable ainsi déployée par Magdalene dans l'étude de son rôle provint du sérieux intérêt qu'elle avait mis à son travail? Et cet intérêt lui-même était-il le résultat d'une aptitude toute spéciale? La répétition continuait. La majestueuse dame aux cheveux d'emprunt et au cœur si bien placé avait pris le rôle de la sentimentale Julia au tragique le plus invariable, et dans la première scène, elle fit de son mouchoir un usage véritablement insensé. La parente non mariée mettait un tel sérieux à reproduire les bévues grammaticales de Mrs. Malaprop, et se donnait un tel mal pour n'en omettre aucune, qu'elle semblait débiter un exercice de rhétorique. Le malheureux jeune homme, qui, dans le personnage de Sir Anthony Absolute, avait amené au feu l'avant-garde de la troupe, exprimait son irascibilité sénile par l'incessante trépidation de ses genoux émus et en frappant continuellement de sa canne le plancher sonore de la scène. Lentement, gauchement interrompu à chaque instant par d'interminables méprises, le premier acte se traîna ainsi jusqu'à la réapparition de Lucie, appelée à le terminer par ce joli monologue où il dévoile le secret de sa simplicité prétendue et vante les ressources de son esprit matois. La situation artificielle que le théâtre lui faisait ici offrait des difficultés que Magdalène n'avait pas rencontrées dans la scène première. Aussi, son inexpérience absolue l'entraîna-t-elle à plus d'une erreur évidente, le régisseur déployant un zèle que ne lui avait inspiré aucun autre membre de la troupe, intervenait immédiatement et la remettait sur la voie un instant perdu. À certains moments, elle devait s'interrompre et faire le tour de la scène. Elle n'y manqua pas. À certains autres, il lui fallait s'arrêter, secouer la tête et lancer à l'auditoire un regard significatif. Le tout fut exécuté au doigt et à l'œil. Parfois, elle suggérait elle-même ses inspirations. En prenant le papier où était inscrite la liste des présents qu'elle avait reçus, ne pourrait-elle y donner une chic note ? Oui. Un petit éclat de rire ensuite ne ferait-il pas bien ? Certainement, après deux essais consécutifs. Entre chaque paragraphe, ne serait-il pas à propos de jeter droit au parterre un regard malin ? C'est cela, droit au parterre, et le plus malin que vous saurez. L'approbation rayonnait sur le visage du régisseur. Pour applaudir gaiement, il fourrait de temps à autre la pièce sous son bras. Groupés derrière la scène, les gentlemen suivaient son exemple. Les dames se regardaient l'une l'autre, et l'on voyait poindre chez elles l'idée qu'elles auraient peut-être aussi bien fait de laisser la nouvelle recrue aux douceurs de la vie privée. Trop profondément absorbée dans ses préoccupations scéniques pour prendre garde à aucune d'elles, Magdalène demanda la permission de répéter le monologue, afin de mieux retenir les améliorations qu'elle y avait introduites. Elle le débita, cette fois, d'un bout à l'autre sans la moindre erreur, arrachant au régisseur enchanté un témoignage bruyant du plaisir qu'il éprouvait à voir ses enseignements profiter si vite. « Il n'y a pas à le lui cacher !» criait le petit homme français à coup redoublé sur le manuscrit du souffleur. « Si jamais il y eut actrice née, c'est bien celle-ci. »« J'espère que non !» se disait Miss Garth, ramassant l'ouvrage qui était tombé sur ses genoux et jetant un regard quelque peu perplexe. Ses appréhensions au sujet de la tentative dramatique n'étaient jamais allées au-delà des légèretés auxquelles Magdalène pourrait se laisser entraîner vis-à-vis des gentlemen de la troupe. Mais elle n'avait jamais fait entrer en ligne de compte la perspective qui s'ouvrait en ce moment. Magdalène, en tant que fillette étourdie, était relativement facile à contenir. Magdalène, actrice de naissance et de vocation, promettait un avenir plus difficile. La répétition continuait. Lucie rentrait en scène au second acte, le dernier où elle parut, avec Sir Lucius et Fag. De nouveau, l'inexpérience de Magdalène se fit jour. Elle étonna de nouveau tout le monde par sa résolution à reconnaître, à rectifier ses propres erreurs. « Bravo !» s'écriaient les gentlemen derrière la scène, en la voyant surmonter l'un après l'autre les obstacles qui s'offraient à elle. « Pour un si petit rôle, disaient les dames, voilà un entêtement bien ridicule. » « Dieu me pardonne !» pensait Miss Garth, qui en était venue, malgré ses dents, à partager l'émotion générale. « Je souhaiterais presque être papiste et pouvoir la mettre au couvent dès demain matin. » Un des domestiques de Mr. Marable traversait le théâtre au moment où l'institutrice formait ce vœu désespéré. Elle envoya immédiatement cet homme dans les coulisses avec un message ainsi conçu. « Miss Vanstone a fini de répéter son rôle. Priez-la de venir s'asseoir à côté de moi. » Le domestique revint avec une excuse poliment tournée. « Miss Vanstone envoie ses amitiés et supplie qu'on veuille bien attendre. » « Elle souffle, Mr. Clare. » Elle le soufflait effectivement si bien qu'il récitait son rôle d'un bout à l'autre. Le jeu des autres amateurs était d'une insuffisance choquante. Frank, supérieur à eux d'un degré, manifestait simplement une incapacité modeste et gagnait après tout à la comparaison. « Il le doit à Miss Vanstone, » remarqua le régisseur, qui avait entendu les conseils de la jeune fille. « Elle l'a soulevé à bras tendus. » Que deviendrons-nous le soir fatal quand le rideau sera tombé sur le second acte et que l'auditoire ne reverra plus cette petite personne ? À quel plein niveau ne serons-nous pas réduits ? Et combien il est à regretter qu'on ne lui ait pas confié un meilleur rôle ? Remercions, au contraire, le ciel que ce rôle soit si mince, marmottait Miss Garth, qui avait surpris la fin de cet aparté. En l'état des choses, les applaudissements ne lui tourneront pas la tête. Elle sort de scène au second acte. C'est toujours cela de gagner. Tout esprit bien réglé ne tire ses conclusions qu'à loisir. Or, l'esprit de Miss Garth était bien réglé. Logiquement donc, Miss Garth n'aurait pas dû se laisser aller à précipiter ses conclusions. Elle venait, pourtant, de commettre cette erreur. En termes plus nets, la réflexion consolante dont elle commençait à se bercer impliquait que la pièce en question n'encourait plus de nouveaux désastres, et qu'elle était désormais promise, après tant et tant d'ajournements, au succès espéré pour elle. La pièce, pourtant, n'en était pas là. La mauvaise chance et la famille Marable n'avaient pas encore pris congé l'une de l'autre. Quand la répétition fut finie, personne ne s'aperçut que la majestueuse dame aux cheveux d'emprunt quittait mystérieusement la compagnie. Et lorsqu'un peu plus tard, elle ne vit point prendre place à la table couverte de rafraîchissements que l'hospitalité de Mr. Marable tenait toujours servie dans une pièce voisine du théâtre, personne ne soupçonna que cette absence, à peine remarquée, pût avoir un motif sérieux. On ne connut à cet égard la vérité que lorsque la troupe se réunit pour la répétition suivante. À l'heure dite, aucune Julia n'apparut. À la place de celle qu'on attendait, Mrs. Marable, une lettre ouverte à la main, se montra sur la scène où elle portait un front chargé de tristes présages. La nature l'avait douée d'une grande douceur à laquelle une éducation soignée avait encore ajouté. Elle possédait tous les ménagements de convention que l'usage a introduit dans la langue des salons. Mais l'influence du drame, jointe à celle de la contrariété, devait finir par exaspérer cette paisible matrone. Pour la première fois de sa vie, peut-être, Mrs. Marable eut des gestes véhéments, une parole emportée. Elle tendit la lettre, à longueur de bras et d'un air sévère, du côté de sa fille stupéfaite. « Ma chère enfant, » lui dit-elle ensuite avec un calme tragique, « nous sommes sous le coup d'une véritable malédiction. » Puis, avant que la troupe d'amateurs, prise à court, eût songé à réclamer la moindre explication, la maîtresse de maison, tournant sur elle-même, avait quitté le salon. Le régisseur la suivait du regard avec une satisfaction évidente. « Elle a tout à fait réussi, » pensait-il, cette imposante sortie. Quel nouveau malheur était donc venu fondre sur la pièce? Le plus grand de tous, le coup suprême. La dame aux attraits majestueux abdiquait formellement son rôle. Nulle malice en tout ceci. Ce cœur si bien placé n'avait pas changé de place. À défaut d'autres témoignages, la lettre le prouvait suffisamment. Un point de fait y était établi dès l'exorde. À la dernière répétition, la dame en question avait surpris, tout à fait sans le vouloir, certaines remarques dont sa personne était le sujet. Ces remarques portaient, ou du moins semblaient porter, sur sa taille et sur ses cheveux. Elle n'affligerait point Mrs. Marable en lui répétant ses méchancetés. À plus forte raison, ne citerait-elle aucun nom. Il n'était pas dans sa nature d'aggraver les circonstances déjà pénibles par elle-même. Il ne lui restait donc plus, pour sauvegarder sa dignité, à résigner le rôle dont elle s'était chargée. Elle le renvoyait, s'y inclut, à Mrs. Marable, avec toutes les excuses imaginables pour la présomption dont elle avait fait preuve, en s'essayant dans le personnage d'une jeune première. À son âge, comme l'avaient remarqué certains gentlemen, et avec ce que deux de ces dames avaient désigné comme les inconvénients de sa taille et de ses cheveux. On trouverait aisément, et sans nul doute, une Julia plus jeune et plus agréable. En attendant, elle pardonnait pleinement à toutes les personnes désignées plus haut et demandait qu'on lui permît d'ajouter à ce pardon les vœux les plus sincères pour le succès de la pièce. Il ne restait plus que 4 jours avant la représentation définitive. Si jamais, par conséquent, une entreprise humaine eut besoin des vœux qui pouvaient lui être favorables, c'était à coup sûr celle des comédiens amateurs d'Evergreen Lodge. Un fauteuil fut apporté sur la scène, et dans ce fauteuil hospitalier, Miss Marable se laissa tomber, comme préliminaire indispensable de l'attaque de nerfs qui allait la prendre. À la première convulsion, Magdalene fit un pas en avant, arracha la lettre de la main de Miss Marable et conjura la catastrophe imminente. « C'est une méchante vieille. Elle n'a pas plus de cœur que de cheveux, » dit la jeune pythonisse, déchirant l'épître en 1000 morceaux. qu'elle dispersa sur toutes les têtes penchées pour l'écouter. Mais je lui réponds bien qu'elle ne fera pas manquer la pièce. C'est moi qui jouerai Julia. Bravo, reprit le chœur des gentlemen. Et parmi eux criait plus fort avec tous les autres l'anonyme auteur de la catastrophe, à savoir Mr. Francis Clare en personne. Si vous voulez connaître toute la vérité, je n'hésiterai pas à vous la dire, continua Magdalene. Je suis une des deux dames auxquelles elle fait allusion. J'ai dit qu'elle avait une tête de loup pour perruque, et que sa taille ressemblait à un oreiller. Je l'ai dit comme je le pense. Je suis l'autre dame désignée, reprit la parente non mariée. Mais je me suis borné à dire que si le rôle était trop fort pour elle, elle était en revanche beaucoup trop forte pour le rôle. Le gentleman, c'est moi, reprit Frank, entraîné par l'exemple. Mais je n'ai rien dit. Je me suis borné à opiner du bonnet avec ces dames. Miss Garth, saisissant l'occasion qui s'offrait à elle, s'adressa du fond du parterre aux gens montés sur la scène. « un moment, disait-elle. L'affaire ne peut pas s'arranger ainsi. Magdalene, jouant Julia, qui fera Lucie ?» Miss Marrable retomba dans son fauteuil et donna cours à une seconde convulsion. « Laissez donc, cria Magdalene. La chose est simple comme bonjour. Je jouerai les deux rôles de Julia et de Lucie. » Le metteur en scène fut immédiatement appelé à conseil. Supprimer la première entrée de Lucie et faire un monologue pour Lydia Languish avec la petite conversation motivée par les romans, il n'en allait pas davantage. Le plan conçu par Magdalene devenait aussitôt réalisable. Les deux scènes où Lucie est essentielle, à la fin du premier et du second acte, étaient assez éloignées de celles où Julia paraît, pour donner amplement le temps de changer de costume. Miss Garth elle-même, bien qu'elle la cherchât de tout cœur, ne put trouver une objection plausible à ces arrangements improvisés. La question fut décidée en 5 minutes, et la répétition continua. Magdalene apprenant et répétant à la fois le rôle de Julia, son manuscrit à la main, et déclarant qu'à son retour au logis, elle allait se consacrer toute la nuit à se le bien mettre dans la tête. Frank imaginait, très déconfit, qu'elle n'aurait plus le temps de lui venir en aide. Mais le frappant sur l'épaule du bout de son cahier, par un geste qui ne manquait pas de coquetterie, « Hé, grand Nigo !» lui dit-elle, « comment pourrais-je me passer de vous ? Vous êtes l'amoureux jaloux de la belle Julia. C'est vous qui la faites pleurer tout le long de la pièce. Venez ce soir, vous me ferez pleurer pendant le thé. Vous n'avez plus, pour vous donner la réplique, une méchante tête à perruque. C'est mon pauvre cœur qu'il vous faudra tourmenter, et naturellement, je vous dirai comment vous aurez à vous y prendre. » Les 4 jours se passèrent, fort affairés, en répétition continuelle, tant publique que particulière. Le soir de la représentation arriva. Les invités se rassemblèrent. La grande épreuve dramatique allait être risquée. Magdalene avait tiré parti de tout ce qui pouvait l'aider. Elle avait appris tout ce que le metteur en scène avait eu le temps de lui enseigner dans un délai si court. Miss Garth la laissa, au début de l'ouverture, assise à part, dans un coin des coulisses, muette et sérieuse, son flacon de sel dans une main, son livre dans l'autre, se préparant jusqu'à la dernière minute pour mieux aborder la difficulté. La pièce commença, non sans les épisodes auxquels donne lieu toute représentation dramatique essayée par des amateurs novices et sur un théâtre de salon. Auditoire entassé, température d'Afrique, d'air de lampe volant en éclats, et grande difficulté à manœuvrer la toile. Fag et le cocher qui ouvraient la scène n'eurent pas plutôt fait un pas sur les planches que la mémoire les abandonna. Ils passèrent une bonne moitié de leur dialogue, s'arrêtèrent court, furent priés à trop haute et trop intelligible voix par le régisseur de rentrer dans la coulisse, et y rentrèrent effectivement, beaucoup moins gais, mais beaucoup plus sages qu'ils n'en étaient sortis. La scène suivante montra Miss Marrable, représentant Lydia Languish, gracieusement étendue, fort jolie, mise à ravir, possédant son rôle à une syllabe près, bref, ayant tout pour elle. Sauf la voix, qui lui manquait absolument. Les dames admiraient, les messieurs applaudissaient, mais personne n'entendit autre chose que les mots « plus haut, Miss, beaucoup plus haut » prononcés par la même voix, qui avait déjà rappelé Fag et le cocher. Un léger rire se fit dans les rangs des plus jeunes spectateurs, mais de magnanimes applaudissements noyèrent ce bruit indiscret. La température du salon égalait déjà celle du sang, mais l'ébullition n'avait pas encore fait évaporer de l'auditoire le sentiment des égards qu'on doit aux dames. Ce fut au milieu de cette démonstration courtoise que Magdalène fit paisiblement son entrée dans le personnage de Julia. Elle était simplement vêtue de brun et s'était coiffée de ses seuls cheveux, réservant tous les accessoires, toutes les ressources artificielles du travestissement dramatique, à l'exception d'un peu de rouge fort discrètement posé, pour se mieux métamorphoser dans son second rôle. La grâce et la simplicité de son ajustement, la manière calme dont, maîtresse d'elle-même, elle arrêtait son regard sur les fils de visage qui la contemplaient avidement, suscitèrent un murmure d'approbation et d'attente. Elle parla, comprimant un léger frisson de terreur, avec une netteté d'accentuation qui la faisait entendre des plus éloignés, et confirmait la favorable impression produite par son entrée. La seule personne de tout l'auditoire qui put la regarder et l'écouter de sang-froid était certainement sa sœur aînée. Avant que la débutante eût été en scène plus de 5 minutes, Nora s'était aperçue, avec un étonnement difficile à décrire, que Magdalène, pour donner un cachet individuel à l'amabilité un peu banale de Julia, n'avait rien imaginé de mieux que de la copier, elle, ses gestes, sa diction, aussi exactement que possible. Elle se vit ainsi effrontément contrefaite, et jusqu'au son de sa voix, si parfaitement imitée, qu'il lui semblait parler elle-même et entendre ses propres paroles redites sur la scène par un écho railleur. Cette singulière adaptation d'un type individuel et vivant à un être abstrait produisit sur l'auditoire, qui pourtant ne s'en rendait pas compte, un effet clairement manifesté par les applaudissements unanimes qui saluèrent la sortie de Magdalène. Dès cette première scène, elle avait remporté 2 incontestables victoires. Par un merveilleux tour d'adresse mimique, elle avait communiqué un frappant caractère de réalité à l'un des personnages les plus insipides du théâtre anglais, et contraint à se montrer enthousiaste 200 malheureux dont un appareil de ventilation ne venait tempérer le malaise, dans cette région tropicale où ils mijotaient à la chaleur l'un de l'autre. Où donc trouver une actrice de profession qui, dans de telles circonstances, eût pu faire beaucoup mieux? Le principal incident de la soirée, cependant, ne s'était pas encore produit. La réapparition de Magdalène, à la fin de l'acte, sous le travestissement de Lucie, avec des cheveux et des sourcils d'emprunt, un teint ravivé par le fard et les mouches, la toilette la plus fantasque et la plus voyante, la voix la plus perçante et les plus lestes façons, abasourdit complètement les spectateurs. Ils consultèrent d'abord leur programme, où l'actrice chargée du rôle de Lucie figurait sous un ingénieux pseudonyme, se remirent à regarder la scène, finirent par reconnaître le déguisement, et leur surprise se traduisit alors par une salve d'applaudissements bien plus bruyante encore et plus cordiale que la première. Nora elle-même, cette fois, ne put méconnaître que ce triomphe était légitime, car enfin, à travers les lacunes qu'une inexpérience absolue rendait inévitable, et se manifestant néanmoins de manière à frapper l'auditoire le moins éclairé, les plus rares facultés du génie scénique se révélaient dans la diction, dans les attitudes et les gestes de cet enfant de 18 ans qui, pour la première fois de sa vie, posait le pied sur les planches. Inférieure dans certains menus détails pratiques de ses 2 rôles, elle avait réussi, c'était là l'essentiel et le difficile, à leur donner à chacun son cachet spécial, sa couleur distincte. Tout le monde comprenait que là gisait le problème. Tout le monde comprenait qu'elle l'avait résolu. Tout le monde, à présent, partageait l'enthousiasme du régisseur quand il la proclamait, presque malgré lui, une comédienne de naissance. Lorsque la toile s'abaissa pour la première fois, Magdalène avait concentré sur elle tout l'intérêt, tout l'attrait du spectacle. L'auditoire applaudissait poliment Miss Marable, ainsi que les convenances l'exigeaient des personnes invitées par son père. Il encourageait charitablement les autres membres de la troupe afin de les aider à terminer leurs tâches, ce qui donnait beaucoup de mal, bien évidemment, à certains d'entre eux. Mais dans tout le cours de la représentation, rien ne put lui arracher de sincères, de chaleureux bravos, lorsque Magdalen n'était pas là pour les enlever. On ne pouvait s'y tromper. Miss Marable et ses amis intimes étaient rejetés dans l'ombre par cette nouvelle venue qu'on était allé recruter en désespoir de cause. Et ceci pour la fête de Miss Marable, pour l'anniversaire de sa naissance. Et ceci dans la propre maison de son père. Et ceci après les indicibles sacrifices qu'elle et ses parents s'imposaient depuis 6 semaines. À tous les désastres domestiques dont cette œuvre ingrate avait été l'occasion pour la famille Marable, et à toutes ces déceptions en matière théâtrale, le succès de Magdalene venait mettre le comble. Quittant Mr. Vanstone et Nora, installés après la pièce, dans la salle où était dressé le buffet, Miss Garth passa derrière la scène, en apparence cherchant à se rendre utile, en réalité pour savoir si les triomphes de la soirée n'avaient pas complètement tourné la tête à Magdalene. L'institutrice n'aurait pas été autrement surprise de trouver sa jeune élève traitant avec le régisseur des conditions auxquelles elle consentirait à se montrer prochainement sur un théâtre public. Au fait, elle découvrait Magdalene qui, restée sur la scène, recevait en souriant une carte que le dit régisseur lui présentait avec une révérence toute classique. Le poli petit homme, devinant une question dans le regard interrogateur de Miss Garth, se hâta de lui expliquer que cette carte était la sienne, et qu'en la laissant à Miss Vanstone, il la suppliait de penser à leur commander, et comme il n'en doutait pas, une occasion semblable venait à se présenter. « Ce n'est pas la dernière fois que mademoiselle figurera dans une troupe d'amateurs, je puis vous le garantir. Et si l'on a besoin d'un metteur en scène, elle a bien voulu me promettre qu'elle se souviendrait de mon humble personne. À l'adresse mentionnée sur cette carte, on aura toujours de mes nouvelles. » À ces mots, autre révérence, et le petit homme s'éclipsa. De vagues soupçons assiégeaient encore la pensée de Miss Garth. Elle insista pour que la carte lui fût exhibée. Jamais plus inoffensif morceau de carton n'avait passé d'une main dans une autre. Le papier Bristol ne contenait que le nom du metteur en scène, et au-dessous, le nom et l'adresse d'un des agents dramatiques de la capitale. « Cela ne mérite pas d'être conservé, » dit Miss Garth. Mais avant qu'elle eût jeté la carte, Magdalene lui saisit le bras, reprit l'adresse en question et la mit tranquillement dans sa poche. « J'ai promis de recommander cet homme, » disait-elle. Et c'est déjà une raison pour conserver son adresse. En tout cas, elle me rappellerait du moins la plus délicieuse soirée de ma vie, et cette raison vaut bien la première. « Allons !» cria-t-elle ensuite, jetant ses bras autour de Miss Garth, dans un transport de gaieté fiévreuse. « Allons donc, félicitez-moi de mon succès. »« Je vous féliciterai quand vous n'y penserez plus, » répondit Miss Garth. Une demi-heure après, Magdalene avait changé de toilette. Elle avait rejoint les invités et planait dans une atmosphère de compliments où la salutaire influence de Miss Garth ne pouvait comprimer, modérer son essor. Frank, toujours un peu lent à se mouvoir, fut le dernier du tripot comique à quitter l'enceinte du théâtre. Il n'essaya point de rejoindre Magdalene dans la salle du souper, mais quand on se sépara, quand les carreaux s'arrivèrent, il se trouva là, tout à point, sous le vestibule, pour l'aider à passer sa pelisse. « Oh, Frank !» lui dit-elle, se tournant vers lui pendant qu'il l'enveloppait de l'étoffe protectrice. « Comme il me fâche que tout cela soit fini. Venez donc demain matin. Nous en causerons tout à notre aise. » « Eh bien, dans la plantation, vers 10 heures, » murmura Frank à l'oreille de la jeune étourdie, qui accepta par un joyeux mouvement de tête cette espèce de rendez-vous tout en relevant le capuchon rabattu sur ses yeux. Miss Garth, debout à peu de distance, saisit au passage le regard qu'ils échangeaient, mais le tumulte des adieux l'avait empêché d'entendre leurs paroles. Dans la gaieté qu'affectait Madeleine, il y avait une nuance de tendre langueur. Sur son visage, une expression de trouble, un empressement affectueux dans le geste par lequel elle acceptait le bras de Frank et s'appuyait sur ce bras pour gagner la voiture. Que signifiait tout ceci? L'intérêt passager qu'elle avait pris à lui, à ses études dramatiques, avait-il traîtreusement frayé la voie à un autre intérêt plus vif et plus durable? Et ce divertissement oisif allait-il avoir maintenant qu'il était clos des résultats plus sérieux qu'une simple perte de temps? La physionomie de Miss Garth devint soucieuse. Elle demeurait immobile et pensive, au milieu de la foule affairée et bavarde qui l'entourait. L'insinuation adressée à Mrs. Vanstone par Nora, pendant qu'elles étaient dans le jardin, venait de lui revenir à l'esprit, et maintenant, pour la première fois, elle sentait poindre en elle ce pressentiment que la sœur aînée avait entrevu, sous leur vrai jour, les conséquences probables d'un parti trop légèrement pris.